Le médecin vint à 8h30, et sans donner un avis favorable, il ne pensa pas que la mort dût être imminente. Il annonça des mieux et des rechutes alternatives, d'où dépendraient la vie et la raison du bonhomme. Il vaudrait mieux qu'il mourût promptement, fut le dernier mot du docteur. Eugène confia le père Goriot aux soins de Bianchon et partit pour aller porter à Madame de Nucingen les tristes nouvelles qui, dans son esprit, encore imbu de devoirs de famille, devait suspendre toute joie. « Dites-lui qu'elle s'amuse tout de même !» lui cria le père Goriot, qui paraissait assoupi, mais qui se dressa sur son séant au moment où Rastignac sortit. Le jeune homme se présenta, navré de douleur, à Delphine, et la trouva coiffée, chaussée, n'ayant plus que sa robe de mal à mettre. Mais, semblables aux coups de pinceau par lesquels les peintres achèvent leurs tableaux, les derniers apprêts voulaient plus de temps que n'en demandait le fond même de la toile. « Eh quoi, vous n'êtes pas habillée ? » dit-elle. « Mais madame, votre père... »« Encore mon père ! » s'écria-t-elle en l'interrompant. « Mais vous ne m'apprendrez pas ce que je dois à mon père. Je connais mon père depuis longtemps. »« Pas un mot, Eugène. Je ne vous écouterai que quand vous aurez fait votre toilette. Thérèse a tout préparé chez vous. Ma voiture est prête. Prenez-la. Revenez. Nous causerons de mon père en allant au bal. Il faut partir de bonne heure. Si nous sommes pris dans la file des voitures, nous serons bien heureux de faire notre entrée à 11h. Madame, allez, pas un mot, dit-elle, en courant dans son boudoir pour y prendre un collier. Mais allez donc, monsieur Eugène, vous fâcherez madame, dit Thérèse, en poussant le jeune homme, épouvanté de cet élégant parricide.